Elle venait des quartiers chauds de l'Angleterre. Moitié panthère, les cheveux verts, pas de futur à la boutonnière. Les Beatles, Penny Lane, ça lui donnait la haine. Dans les groupes du palace, elle jouait Breaking Glass. En français, elle disait quelque chose se pourrit au royaume de Lady Di. Elle disait Hey, Thatcher, si t'as du cœur, piétine les bijoux, la couronne, lâche les colons sur le Shannon. Avec l'accent de Manchester, un rien de plus et de résine que donne la fumée des usines. Sur les murs du East End, elle voulait tout repeindre. Sa beauté, la marine au retour des Malouines. En Gaël, elle chantait un poème de cendre à la mémoire de l'Irlande. Elle chantait Hey, Thatcher, si t'as du cœur, piétine les bijoux, la couronne, lâche les colons sur le Shannon. Elle chantait Hey, Thatcher, si t'as du cœur, donne un rêve au fils de Churchill, joue pas les stars. Moitié panthère, les cheveux verts, pas de futur à la boutonnière.